L'affaire BCCI. Rapport à la Commission Affaires étrangères du Sénat des États-Unis par les sénateurs John Kerry et Hank Brown, décembre 1992. Congrès, 102e session, 2e impression, 102-140. L'affaire BCCI, résumé analytique. 1. La BCCI est responsable de crimes financiers internationaux d'envergure massive et sur une échelle planétaire. L'un des éléments essentiels de la croissance spectaculaire de la BCCI a été sa structure criminelle unique. C'était une toile d'araignée administrative sophistiquée, abritant en son centre Aga Hassan Abedi et son assistant Swaleh Naqvi. Cette structure signifiait aussi que le montage finirait inévitablement par s'effondrer. Elle fut conçue par Abedi et dirigée par Naqvi avec l'intention délibérée de contourner les règles en place et d'éviter les contrôles gouvernementaux. Son fonctionnement avait pour but d'empêcher qui que ce soit d'appréhender la totalité des opérations de la BCCI. À la différence d'une banque ordinaire, dès ses premiers jours, la BCCI a été constituée de multiples entités en couches superposées, liées les unes aux autres en une série impénétrable de sociétés de holding, de sociétés partenaires et de filiales, de banques dans la banque, de transactions entre initiés, de trafic d'actions aux porteurs par le truchement de sociétés nominées. En divisant la structure de l'entreprise, les processus de régulation interne et les auditeurs maison, la famille d'entité légale BCCI, créée par Abedi, fut capable d'échapper de façon routinière, voire quotidiennement, aux restrictions légales normales qui s'appliquent aux mouvements de capitaux et de biens. En concevant la BCCI en tant qu'entité fondamentalement libérée de tout contrôle gouvernemental, Abedi a développé un outil idéal pour permettre à d'autres de pratiquer des activités illégales. Outil utilisé par exemple par de nombreux personnages officiels, de nombreux gouvernements dont la BCCI enfreignait les lois, pour commettre des crimes financiers. Parmi les crimes de la BCCI, on peut citer des fraudes commises par la BCCI et des clients de la BCCI pour des sommes s'élevant à des milliards de dollars, le blanchiment d'argent en Europe, Afrique, Asie et aux Amériques, la corruption de hauts fonctionnaires dans la plupart de ces endroits, l'apport de soutien au terrorisme, au trafic d'armes, à la vente de technologies nucléaires, la direction de réseaux de prostitution, l'organisation et l'exécution de fraudes fiscales, de contrebande et d'immigration illégale, l'achat frauduleux de banques et de biens fonciers et immobiliers, ainsi qu'une panoplie de crimes financiers qui n'avaient pour seule limite que celle de l'imagination des clients et employés de la BCCI. Parmi les principaux mécanismes utilisés par la BCCI dans tous ces crimes, on peut relever l'utilisation de sociétés écrans, de pays paradis du secret bancaire, la division des services dans la structure administrative de la société, l'utilisation d'hommes de paille, de sociétés nominées et de mécanismes de rachat, de crédits documentaires back-to-back entre des entités contrôlées par la BCCI, de bakchich et de pots de vin, ainsi que l'intimidation de témoins et l'emploi en sous-main d'officiels haut placés pour décourager des offensives gouvernementales. 2. La BCCI a pratiqué la corruption systématique d'hommes d'État et de leaders politiques dans le monde entier. La BCCI s'est systématiquement appuyée sur ses relations avec, et lorsque nécessaire sur ses paiements à, des personnes éminentes, et ce, dans la plupart des 73 pays où la BCCI avait ses opérations. Les archives BCCI et des témoignages d'ex-employés de la BCCI montrent que la BCCI s'est systématiquement procurée des dépôts dans les banques centrales nationales de pays du tiers-monde, et qu'elle s'est assurée la faveur de figures politiques et s'est appuyée sur ces personnes pour faire des faveurs en retour à la BCCI dans les moments délicats. Ses relations avec des fonctionnaires influents étaient systématiquement mises à profit pour produire les liquidités nécessaires à la tenue des livres de compte. La BCCI s'assurait l'accord d'un quelconque officiel bien placé pour obtenir qu'on lui confie des liquidités provenant de la Banque centrale du pays, l'exclusivité de la gestion des crédits de liquidité américaine au niveau national, du favoritisme dans le traitement de l'import-export des devises dans les cas où des contrôles monétaires existaient, le droit de posséder une banque au besoin en secret dans le cas de pays où les banques étrangères étaient interdites, ou bien tout autre moyen permettant à la BCCI d'acquérir de nouvelles ressources ou de faire du bénéfice. La BCCI payait des pots de vin en échange ou se contentait de procurer aux fonctionnaires d'autres avantages en nature. Par ces manœuvres, la BCCI se trouvait engagée dans des rapports divers, certains indiscutables ou illégitimes et d'autres de corruption pleine et entière, avec des fonctionnaires de pays du monde entier. Arabie Saoudite, Argentine, Bangladesh, Botswana, Brésil, Cameroun, Chine, Colombie, Congo, Émirats Arabes Unis, États-Unis, Ghana, Guatemala, Côte d'Ivoire, Inde, Jamaïque, Koweït, Liban, Île Maurice, Maroc, Niger, Pakistan, Panama, Pérou, Sénégal, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 3. La BCCI a développé une stratégie d'infiltration du système bancaire des États-Unis qu'elle a ensuite exécutée avec succès malgré les obstacles réglementaires en place destinés à l'empêcher. En 1977, la BCCI a développé une stratégie pour infiltrer le marché américain par l'achat en secret de banques américaines et l'ouverture simultanée de succursales BCCI dans tout le territoire des États-Unis. Le but étant ensuite de fusionner les deux institutions. La BCCI rencontra des difficultés significatives à cause des obstacles posés par les réglementations américaines destinées à garantir la transparence de la responsabilité. Malgré ces barrières qui ont ralenti la manœuvre de la BCCI, celle-ci réussit en fin de compte à acquérir 4 banques opérant dans 7 États différents, ainsi que dans le district de Columbia, sans qu'aucune de ces instances ne réussisse à l'empêcher d'infiltrer la région. Les tactiques utilisées par la BCCI aux États-Unis avaient été perfectionnées lors d'acquisitions de banques par la BCCI dans un certain nombre de pays du tiers-monde et d'Europe. Parmi ces techniques, on peut citer l'achat de banques par des prête-noms, suivi d'arrangements pour que les activités de la banque soient camouflées, d'une part par de prestigieux avocats d'affaires, comptables et agences de relations publiques, et d'autre part par des personnes très bien introduites politiquement. Ces tactiques furent essentielles au succès de la BCCI aux États-Unis. Sans elles, les régulations en place auraient empêché la BCCI d'acquérir une participation dans quelque banque américaine que ce soit. En l'état des choses, pour éviter d'éveiller les soupçons des instances régulatrices, la BCCI dut manigancer avec des prête-noms et des sociétés nominées, parmi lesquelles les chefs d'État de plusieurs émirats, des personnages clés des milieux politiques du Moyen-Orient et du renseignement, ainsi que des entités contrôlées par les plus gros banquiers de cette région du monde. D'une importance égale à la réussite des acquisitions secrètes de banques américaines par la BCCI, malgré la suspicion institutionnelle, on trouve aussi l'utilisation agressive d'une série d'Américains haut placés, à commencer par Burt Lantz, suivi de l'ancien secrétaire à la Défense Clark Clifford et l'ex-sénateur Stuart Symington, d'anciens membres régulateurs bancaires fédéraux au réseau bien établi, ainsi que des législateurs tant anciens que contemporains à tous les niveaux, régional, étatique et fédéral. Volontairement ou non, ces individus ont apporté à la BCCI une aide indispensable en prêtant leur nom et leur réputation à des moments cruciaux. C'est pourquoi on peut dire que ce ne sont pas uniquement les mensonges et dissimulations de la BCCI qui lui ont permis d'infiltrer les États-Unis et leur système bancaire. Elle a profité des trafics d'influence et de la politique de la porte-tambour qui se pratique à Washington.